Donc on commence, Inch'Allah, Bismillah, Walhamdulillah, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alahu amma ba'd. Donc on commence, comme je disais, le cours 139. Et on est arrivé maintenant à la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il dit, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, lillahi ashhadu udhunan, ay istima'an, إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته والشرح الأذن يطلق على السماع كما قال عن المنافقين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يعني يستمع للوشاة يعني يصف الرسول صلى الله عليه وسلم يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يستمع للوشاة صبحهم الله إذن أذن يعني يسمع أذن يعني يسمع والله عز وجل يحب من عبده أن يتغنى بالقرآن قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته والمراد بالتغني تحسين الصوت لأن لا أنه يجعله على شكل الأغاني والتمطيط بل يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن لأنه يقرأ كلام الله لا يقرأ كلام مخلوق بل يقرأ كلام الله ويستعد لإلقائه على أحسن ما يستطيع. شيخ الإسلام ابن تيمية il cite ici une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam Ibn Majah et rapportée également par l'imam Ahmad. Et dans cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah azza wa jal il est témoin et il écoute l'homme qui récite avec une belle voix lorsqu'il récite le Coran. Donc Allah Azza wa Jal, il écoute la récitation de la personne qui récite le Coran avec une belle voix. Et il dit, dans le Sharh, Cheikh Al-Fawzan, il explique que Al-Udhun, le terme en arabe Al-Udhun, il est employé dans le sens de l'écoute et de ce qui est de ce qui fait partie de l'écoute et du fait d'écouter les bonnes choses, d'écouter la parole d'Allah, d'écouter yani, le Coran, d'écouter les choses bénéfiques. Et on emploie aussi le terme ozone dans le sens donc de l'écoute. Et il mentionne comme référence à ça le verset 66. Dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah Azza wa Jal, il mentionne les paroles des munafiqin qui accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être udhun. Ils l'ont mentionné comme étant udhun, mais dans le sens de vouloir le critiquer, dans le sens de la critique, en voulant dire il écoute les gens qui font an-namima, ou qui font la médisance. Et le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset 61, dans Surat At-Tawbah, ce qui signifie, et il est parmi eux, c'est-à-dire parmi les hypocrites, qui font du tort au prophète, et qui disent, il est tout oreille. Donc, c'est-à-dire qu'il l'accuse d'écouter les gens qui font de la médisance. Et Allah Azza wa Jal, il les réfute dans ce verset en disant, قل أذن خير لكم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. D'accord, donc Allah Azza wa Jal il les réfute en disant dis une oreille pour votre bien. Il n'écoute pas le mal, il écoute le bien et il écoute pour votre bien. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants. Et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Donc le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal il aime donc la personne qui récite le Coran avec une belle voix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans le hadith justement qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira radiyallahu anhu dans lequel il dit il n'est pas des nôtres celui qui n'embellit pas sa voix lorsqu'il récite le Coran. Hein? Man lam yataghanna bil Qur'an. Donc celui qui n'embellit pas sa voix en récitant le Coran. Parce que at-taghanni bil Qur'an, ça ne veut pas dire, comme le cheikh il l'explique, ça ne veut pas dire de chanter le Coran de la même manière qu'on chante les chansons. Ça veut uniquement dire d'embellir sa voix lorsqu'on récite la parole d'Allah. Parce que ce n'est pas la parole d'une créature, c'est la parole du Créateur. Et donc, il faut, lorsqu'on récite sa parole, se préparer à l'embellir et à la faire c'est-à-dire à la prononcer ou à la réciter de la manière la plus belle possible. Ensuite, le cheikh il dit وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن فقال أقرأ عليك وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى أنهيت إلى هذه الآية وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فإذا عيناه تذرفان من البكاء تذرفان من البكاء. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu récite-moi le Coran. Alors Abdullah ibn Mas'ud a dit est-ce que je vais te le réciter alors que c'est sur toi qu'il a été révélé? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'aime l'entendre d'autres que moi. Hein? J'aime entendre d'autres personnes me le réciter. Alors, il lui a récité Suratul Nisa. Il lui a récité Suratul Nisa et il a récité jusqu'au verset 41. Verset 41 dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie hein, comment seront-ils quand nous ferons venir chaque communauté, hein, quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous te, hein, ô Muhammad, nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud, Hasbuk, hein, c'est-à-dire c'est suffisant, ça te suffit, ce que tu as récité en voulant dire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait dire à quelqu'un d'arrêter de réciter, il disait « Hasbuk hein, », ça te suffit. Donc, les ulama, ils ont mentionné que ça, c'est l'exemple de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne disait pas comme certains récitateurs ont pris l'habitude de faire dans certains pays. Quand ils récitent le Coran, quand ils terminent, ils disent « Sadaqallahu al-Azim », comme si c'était une sunna de dire « Sadaqallahu al-Azim » à chaque fois qu'on termine de réciter. Et on sait très bien que « Sadaqallahu al-Azim » ça signifie que le très grand Allah Azza wa Jal a dit vrai. Et donc, ce n'est pas parce que c'est une signification fausse qu'on dit que ce n'est pas cette parole-là qu'il faut dire, mais on dit que ce n'est pas cette parole qu'il faut dire parce que ça ne fait pas partie de la sunna de dire « Sadaqallahu al-Azim » à chaque fois qu'on termine de réciter le Coran. Mais plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Hasbuk » lorsqu'il voulait dire à quelqu'un de s'arrêter. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit « Et lorsque il m'a dit « Hasbuk » et que j'ai arrêté, j'ai regardé ses yeux et j'ai vu que dans ses yeux, il y avait des larmes. Hein, que ses deux yeux j'ai vu des larmes couler de ses yeux hein, parce qu'il pleurait. sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit: Wa mimman istama'a ilayhim an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, wa tasharrafu bi sama' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam minhum, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wa kana mutqinan liqira'ati al-Qur'ani. فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه قال اقرأ عليك وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري فدل هذا على فضل استماع القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فدل هذا على فضل الاستماع للقرآن وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما يتلذذون بالقرآن لا بالأغاني والدفوف والمزامير يتلذذون بالقرآن وذكر الله عز وجل. Donc il dit parmi les Sahaba, les gens de qui le prophète صلى الله عليه وسلم a écouté la récitation, il y a yani le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a honoré parmi eux Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu de sa récitation parce que il maîtrisait très bien la récitation du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc demandé de lui réciter le Coran. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit: est-ce que je vais te le réciter alors que c'est sur toi qu'il a été révélé? Il a dit: j'aime l'entendre d'autres que de moi-même, j'aime l'entendre de d'autres personnes. Et c'est la preuve que l'écoute du Coran, c'est une chose qui a beaucoup de mérite. Le fait de s'asseoir pour écouter la récitation du Coran, c'est quelque chose qui a beaucoup de mérite. Donc c'est vrai qu'il y a un grand mérite dans le fait de le réciter, et il y a beaucoup de bien dans le fait de réciter le Coran soi-même, mais il y a aussi du bien de l'écouter lorsque quelqu'un d'autre le récite. Et Allah Azza wa Jal, il dit donc dans le verset 204 dans Sourate Al-A'raf: Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie: et lorsque le Coran est récité, vous est récité, alors écoutez-le, prêtez-lui l'oreille attentive et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. D'accord? Donc ça, c'est parmi les règles au sujet de la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'elle est récitée, d'écouter et de garder le silence. Et il dit donc, ça c'est la preuve du mérite d'écouter la parole d'Allah, d'écouter le Coran être récité, et c'est la preuve que le messager ainsi que les sahaba, ils prenaient du plaisir à écouter le Coran et non pas à écouter des instruments de musique et des chants, des flûtes et des tambours. Leur plaisir c'était dans l'écoute et la récitation du Coran et dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. C'était ça leur plaisir. Contrairement aux soufis, qui eux, Allah al-Musta'an, ils trouvent leur plaisir dans les divertissements et la musique et les instruments du shaitan. C'est pour ça que vous trouvez parmi les soufis, certains qui font soi-disant qu'est-ce qu'ils appellent du zikr, et ils utilisent des violons, ils utilisent des instruments. Allah al-Musta'an, j'ai vu une fois un soufi, un Naqshbandi, et il y en a d'autres turcs aussi, et Ali avec son violon en train de faire du violon, puis il chante le nom d'Allah. Ou bien il y en a d'autres qui font comme ça, des exemples de musique comme ça, ils utilisent la musique, les tambours, et ils chantent, et même parfois ils dansent même dans leur mosquée. Donc tout ça c'est des exemples de bid'ah et des exemples d'égarement. Et les sahaba, c'est pas ça qu'ils faisaient. Les sahaba, radiyallahu anhum, ils récitaient le Coran et ils écoutaient la parole d'Allah. Et c'était ça leur plaisir. C'était dans ça qu'ils retrouvaient la paix et la tranquillité. Ensuite, le cheikh, il dit, ومثل, cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit, وَمِثْلُ هَذَا السَّمَعَ هُوَ سَمَعُ النَّبِيِّينَ وَأَتْبَاعِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il explique donc qu'il y a également comme exemple d'écoute religieuse, le fait de l'écoute l'exemple de l'écoute des prophètes et ceux qui les ont suivis, hein, comme Allah Azza wa Jal mentionne cela dans le Coran, et il cite comme exemple le verset 58 dans sourate Maryam, et dans sourate Maryam justement Allah Azza wa Jal il explique les exemples des prophètes et comment ils récitaient les versets d'Allah. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Voilà ce que Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Nuh, et ainsi que parmi la descendance d'Ibrahim et d'Israël, c'est-à-dire Ya'qub. De même que parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du Tout Miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. » Donc ça, c'est l'exemple des hommes pieux et des prophètes, et comment Allah Azza wa Jal nous a montré leur comportement vis-à-vis de sa parole et leur attitude vis-à-vis de ce qu'il a révélé. Ensuite, le cheikh il dit: ولما ذكر الأنبياء في سورة مريم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كتب منزلة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فيتأثرون بها ويسجدون لله عز وجل عند سماعها. وقال عز وجل في سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأهل الكتاب إذا سمعوا القرآن سجدوا. المراد بأهل الكتاب المؤمنون منهم, المؤمنون من أهل الكتاب كالنجاشي وغيره. Donc ici Cheikh Al-Fawzan il explique le verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 58 dans sourate Maryam, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie, nous avons, donc il dit que voilà ceux que Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Nuh, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis, quand les versets du Tout Miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Et donc le cheikh explique que la Torah et l'Injil et le Coran, ainsi que Az-Zabur, ces livres-là sont des livres révélés par Allah, et lorsqu'ils sont récités, lorsqu'on leur récitait à ses prophètes, lorsqu'on leur récitait les versets du Tout Miséricordieux, ils tombaient prosternés en pleurant. Donc ils sont affectés, ils ressentent l'effet de la parole d'Allah Azza wa Jal et ils se prosternent à Allah Azza wa Jal lorsqu'ils entendent sa parole. Et Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans le verset 107 et 100, de 107 à 109 dans Surat Al-Isra, la signification de ça également. Et il y a plusieurs versets dans le Coran qui mentionnent ce genre d'exemple. Et donc, on va lire ensemble ces versets. C'est le verset 107 à 109, dans lesquels Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, dit « Croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, ils tombent prosternés, le menton contre terre. Et ils disent « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. » Et ils tombent sur leur menton pleurant, hein, et cela augmente leur humilité. » Et ça, c'est une chose qu'on retrouve même dans les livres des Juifs aujourd'hui, même dans les livres des chrétiens. La prosternation, c'est une chose qui revient constamment dans l'exemple hein, des prophètes. Et je me souviens même avant l'islam, lorsque je lisais hein, dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau, on voit à plusieurs reprises des exemples dans lesquels il est mentionné que par exemple, un prophète, on dit de lui, il tomba hein, sur son visage. Il tomba face à terre hein, par crainte d'Allah. Dans plusieurs versets, dans plusieurs exemples de différents prophètes, on voit qu'à chaque fois, quand ils sont, soit qu'ils sont en présence yani des anges, ou bien lorsque, par exemple, il y a yani Allah Azza wa Jal qui leur parle, ou qu'ils veulent implorer Allah, ou qu'ils sont pris de la crainte d'Allah, automatiquement, ils tombent face à terre. Hein? On les décrit comme ça. On ne dit pas qu'ils descendent lentement hein, sur leur visage. Non, on dit qu'ils tombent face à terre. Ça veut dire que c'est comme si ils font cet acte-là rapidement, comme si parce qu'ils ont, ils ont été remplis de la crainte d'Allah au moment où ils font cet acte-là. Donc, même Isa alayhi salam, hein, le prophète Jésus, le fils de Marie, on mentionne dans les évangiles la même chose, que lorsqu'il était dans le jardin des Oliviers, on dit qu'il était prosterné et qu'il pleurait à sanglots, en sanglots, hein, en implorant Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc ça, c'est des exemples qu'on retrouve dans le livre des Juifs et des chrétiens de la prosternation qui se retrouve là. Hein, à chaque fois chez les prophètes et les messagers. Et ça, ça a été une preuve supplémentaire pour indiquer, yani, surtout lorsque je cherchais hein, la vérité, eh ben, ça m'a fait comprendre que les gens qui sont sur la religion des prophètes et qui suivent réellement les prophètes, ce sont ceux qui se prosternent, comme les prophètes se prosternaient. Et aujourd'hui, si on regarde parmi les gens qui prétendent suivent les prophètes et qui prétendent croire au livre d'Allah, qui d'entre eux se prosterne? Seulement les musulmans. Il n'y a pas de, tu vois pas les juifs se prosterner, tu vois pas les chrétiens se prosterner. C'est seulement les musulmans qui se prosternent comme ça. Parce que c'est seulement eux qui suivent réellement et vraiment les prophètes et les messagers dans leur comportement, dans leurs adorations, dans leurs croyances et dans leur voix hein, et dans les règles qu'ils ont ramené de la part d'Allah. Donc, le cheikh, il explique, il dit, les gens du livre, lorsqu'ils entendent le Coran, même lorsqu'ils entendent le Coran, ils se prosternent. Et quand on parle des gens du livre ici, bien entendu, on parle de ceux d'entre eux qui ont cru, hein, ceux qui ont, parmi les gens du livre, qui ont accepté l'islam, comme An-Najashi et d'autres également. Ils entendent le Coran, ils se prosternent. Le cheikh, il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, وقال في أهل المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان وقشعر je m'excuse, ça c'est difficile à prononcer, وقشعر الجلد وقشعار الجلد ودمع العين. Donc ici, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne, il dit que les gens de la connaissance, hein, Allah Azza wa Jal a mentionné à leur sujet, et lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé sur le messager, tu vois leurs yeux se remplir de larmes, hein, à cause de ce qu'ils ont reconnu de la vérité. Et Allah Azza wa Jal fait donc l'éloge des gens qui écoutent cette écoute-là, l'écoute de la révélation, l'écoute de la récitation de la révélation. Ça, c'est quelque chose qui a été glorifié, parce que c'est quelque chose qui fait augmenter la foi et qui fait frissonner, hein, leur cœur, et qui fait leur peau avoir la chair de poule, et qui fait couler les larmes de leurs yeux. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là en citant les références justement dans le Coran qui ont été mentionnées par Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans les versets 82 et 83. Il dit, le Cheikh, وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَهَذَا فِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Donc ça c'est l'exemple que Allah Azza wa Jalla a mentionné à propos de ces gens-là. Donc on va lire l'explication. Le Cheikh il a cité les versets au complet par rapport à ce que Ibn Taymiyyah a mentionné, et c'est les versets 82 et 83. Allah Azza wa Jal, il dit dans ces versets ce qui signifie: tu trouveras certainement que les juifs et les mouchriquins sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et il dit: tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Et le Cheikh, il dit, et lorsqu'il dit ensuite, donc la suite du verset, et quand ils entendent ce qui a été révélé sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est parmi les croyants d'entre eux, parmi les croyants d'entre les chrétiens, il dit: tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Quand ils entendent le Coran, ils disent: ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Et pourquoi, hein, ne croirions-nous pas en Allah et en ce qui nous est parvenu de la vérité? Et pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Donc ça c'est yani l'exemple De ce que Allah Azza wa Jalla a mentionné à leur sujet lorsqu'ils entendent la parole d'Allah. Ensuite, le fait que Allah Azza wa Jalla a également glorifié parmi eux, parmi les gens qui écoutent la parole d'Allah et qui écoutent le bien, hein, ce qu'ils ont comme augmentation de la foi, et qu'ils ont la chair de poule en écoutant la récitation, hein, et ainsi que les larmes qui coulent de leurs yeux. Allah a fait la glorification de ça et a fait l'éloge de ça. Et il cite ici le Cheikh le verset 23 dans Surat Zumar. Hein? Le Cheikh Al-Fawzan, il dit: Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan. Al-Qur'an yutlaqu alayhi annahu kulluhu mutashabih. Ya'ni yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni. ويطلق عليه كله أنه محكم كتاب أحكمت آياته يعني أتقنت بمعنى الإتقان. ويطلق عليه أن بعضه محكم وبعضه متشابه وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. Donc le cheikh il explique ici par rapport à ce point-là le verset dans sourate Az-Zumar, le verset 23. Donc il fait référence à ce verset parce que il y a dans ce verset-là la mention justement des caractéristiques de ce qui arrive aux croyants lorsqu'ils récitent la parole d'Allah. Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie dans ce verset, Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voici, voilà le livre guide d'Allah par lequel il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Donc, ça c'est le verset en question. Et ensuite, le cheikh explique que Allah Azza wa Jal, il a appelé le Coran mutashabih. Donc, on peut dire du Coran qu'il est en mutashabih en entier. De même que on peut dire qu'il est en entier muhkam. Et il explique qu'est-ce que ça veut dire. Quand on dit que tout le Coran est mutashabih, c'est dans le sens que le Coran, ses versets se ressemblent les uns les autres dans la beauté. Et ils se répètent. Il y a des versets qui se répètent et des significations qui se répètent souvent. Il dit de même qu'il est tout en entier muhkam parce qu'il a été révélé et clarifié et expliqué. Et il cite à ce sujet-là le verset 1 dans Surat Hud, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit Alif Lam Ra Kitabun Uhkimat Ayatuhu. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Donc ça c'est pour clarifier que le Coran au complet on peut dire qu'il est mutashabih et on peut dire aussi qu'il est muhkam puisque il est clair et clarifié, et en même temps, il a été décrit dans un autre verset comme ayant des versets qui sont muhkam et d'autres qui sont mutashabih. Et ça, c'est le verset 7 dans Surat Al-Imran qu'on a déjà expliqué et qui mentionne que parmi ces versets, il y en a qui sont muhkam, dans le sens que, qui sont muhkamat, dans le sens qu'ils n'ont qu'un seul sens et qu'ils sont. Suffisant par eux-mêmes pour être compris et c'est la base du livre tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat dans le sens qu'ils ont besoin des autres versets pour être expliqués on ne peut pas les comprendre tout seul ils peuvent avoir une interprétation diverse donc on doit les ramener aux versets explicites et qui sont sans équivoque pour les comprendre donc ça c'est un détail que le cheikh ici l'a cité à ce sujet-là. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit فَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Donc ici le cheikh il a cité ces versets là dans lesquels, donc premièrement le verset 23 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit qu'il a fait descendre le plus beau récit, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent, qui fait frémir la peau des croyants, ceux qui craignent leur Seigneur et qui redoutent leur Seigneur, et ensuite leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. On rappelle d'Allah. Et l'autre verset, les versets 2 à 4 dans Surat Al-Anfal, alaykoum salam wa rahmatullah, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie, les croyants sont seulement ceux qui lorsqu'on leur récite, hein, ou lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui établissent la salat et qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance, ceux-là sont les vrais croyants. Ils auront des degrés auprès de leur Seigneur et un pardon et une généreuse subsistance. Donc le cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce verset, ces versets-là. Il dit « Mathani yani takarrara ayatuhu, takarrara akhbaruhu wa qisasuhu, li ajli ta'thiri ala al-qari' wa al-sami' tajiduna mawa'id al-Qur'an wa akhbar al-Qur'an mukarrara. Hadihi al-Mathani. Talinu ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فهو يلين القلوب يلين القلوب ويلين الجلود ويلين الجلود ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والشاهد من هذه الآيات كلها أن سماع المؤمنين هو القرآن وليس الأغاني والألحان التي عند الصوفية والكفار والمشركين هؤلاء سماعهم الأغاني والدفوف والمزامير وأما المؤمنون فسماعهم الذي يتلذذون به وتلين به قلوبهم وتقشعر جلودهم من مواعظه هو القرآن الكريم فرق بين هذا وهذا ولهذا تجد المفتون إذا سمع القرآن أغلق المذياع وإذا سمع الأغاني انبسط وفرح وتجده لا يصبر على القرآن ولا دقيقة أو دقيقتين أما الأغاني يمكن أن يقضي كل ليله ونهاره مع الأغاني والمزامير بل إن بعضهم يترك عمله أو يترك الصلاة ويذهب إلى أغنية فلانة لأنه جاء موعدها في البرنامج فيذهب ويحضرها لأن لا تفوته لأن قلبه مربوط بها والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique, il dit que il a répété plusieurs fois Allah Azza wa Jal quand il dit dans le Coran kitaban mutashabihan mathani. Quand il dit « Mathani », ça veut dire quoi « Mathani » Ça veut dire les versets, ces versets se répètent. Et ces informations et ces histoires se répètent. Dans le but de donner un effet, dans le but d'affecter le croyant et celui qui récite et celui qui écoute le Coran. Et c'est pour cette raison que tu vois que les exhortations du Coran et les informations qui sont mentionnées dans le Coran se répètent souvent. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal il décrit le Coran comme étant mathani à cause de ça. Il dit ensuite dans la suite du verset thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. C'est-à-dire que leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Et donc ça c'est pour dire que ça apaise les cœurs, que ça apaise yani que ça calme leur peau. Et ça, c'est le rappel d'Allah qui a cet effet-là sur eux. Et ensuite, il mentionne dans Surat Al-Anfal, le verset 2, lorsqu'on leur récite, ou lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi. Donc ça, c'est parmi les effets de la récitation et de l'écoute de la parole d'Allah. Et qu'est-ce qu'on veut tirer de ces versets qu'on a mentionnés? C'est que ça prouve que pour les croyants, l'écoute pieuse, elle est basée sur l'écoute de la révélation, l'écoute du Coran, et non pas l'écoute des chants, des musiques ou des instruments de musique, comme c'est le cas chez les soufis, ou chez les koufars et les mouchriquines, ou chez les juifs et les chrétiens, parce que chez eux, c'est quelque chose qu'ils font constamment. Et surtout, quand tu vois, par exemple, chez les chrétiens, dans leurs églises, il y a parfois, on se demande si c'est pas une discothèque ou si c'est pas un endroit de musique, parce qu'ils ne font que chanter tout le temps. Ils n'ont rien d'autre que ça. Hein? Et tu vois ça aussi chez les koufars et chez les mouchrikines et chez les soufis. Eh bien, les soufis, ils ont imité les chrétiens dans ces choses-là. Et c'est pour ça que leurs adorations qu'ils font, ou leurs bid'as qu'ils font, elle est remplie de ce genre d'instruments de musique. Et comme je disais tout à l'heure, même certains d'entre eux qui font du zikr avec des violons, avec des tambours, avec toutes sortes de chants et de danses même. Donc ça n'a rien à voir avec la sunna de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, ni avec l'exemple de ses compagnons, radiyallahu anhum. Il dit, tandis que les croyants, eux, ils se réjouissent et ils trouvent du plaisir dans la récitation et dans l'écoute de la parole d'Allah. Et c'est ça qui apaise leur cœur et qui fait frémir leur cœur et qui leur donne la chair de poule quand ils entendent les exhortations du Coran. Donc il y a donc une grande différence entre les croyants, les gens de la sunna et les gens de la mécréance et les égarés parmi les gens de l'innovation. Et c'est pour ça que tu trouves que la personne qui est éprouvée par l'amour des chants, de la musique, de ces choses-là, quand il entend le Coran, il ne peut pas supporter. Il ferme tout de suite la radio. Et quand il entend des chants, de la musique, hein, il est content, il se réjouit. Et tu vois que il peut même pas supporter d'entendre le Coran 2 ou 3 minutes. Il peut pas supporter. Tandis que les chants, la musique, il peut passer tous ses jours et ses nuits à les entendre. Et ça lui fatigue pas. Certains, ils disent, ils vont même quitter leur travail, laisser la salat pour aller écouter telle ou telle vedette, telle chanteuse ou tel chanteur dans un programme, lorsqu'ils savent que le programme est programmé à telle heure, ils vont pour écouter. Ils ne veulent pas manquer ça. Parce que leur cœur, il est accroché à ça. Oula, donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On expliquera la suite, inshallah, au prochain cours, bi-idhnillah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.